À Brazzaville, la lutte continue. Il y a maintenant 50 morts et 120 blessés. Lutte entre les Balali, partisans de l'abbé Fulbert Youlou, et les Mboshi, qui sont, eux, les tenants de Jacques Opango. Si l'on a à déplorer des morts et des blessés, en revanche, aucune violence n'a été commise à l'égard des Européens. C'est une lutte ethnique, une lutte entre tribus, sous le couvert de la politique. On sait que les deux villages africains, Bakongo et Poto-Poto, encerclent, sont voisins de la ville européenne et sont séparés l'un de l'autre par cette ville européenne. Eh bien, pour se battre, Mboshi et Balali font le tour de la ville européenne. Ils sont même en train maintenant de gagner les environs, car de plus en plus, à Poto-Poto comme à Bakongo, les familles affolées, apeurées, commencent à quitter leur pauvre maison et essayent de regagner la brousse. Et la lutte maintenant se déroule même aux abords de la ville. Et toujours en cette année 1959, cette année qui précède celle des indépendances, ce reportage du 13 novembre, diffusé dans le cadre de l'émission Paris vous parle et qui concerne l'actuel Rwanda.